En allemand, certains verbes opèrent leur plongée dans le passé non à partir du verbe avoir, mais à partir du verbe être. C'est la même chose en français, où l'on a par exemple pour manger, j'ai mangé, mais pour partir, je suis parti. Parmi les verbes pour lesquels on a besoin du verbe être pour plonger dans le passé, il y a les verbes de mouvement. Par exemple, pour le verbe gehen, aller, on dit je suis allé et non j'ai allé. Avec aller qui se dit gegangen, gegangen. Donc, je suis allé, ich bin gegangen. Comment diriez-vous je suis allé là-bas? Ich bin dorthin gegangen. Ich bin dorthin gegangen. Je suis allé là-bas. Et de la même manière, wir sind gegangen, nous sommes allés. Wir sind gestern Abend dorthin gegangen. Nous sommes allés là-bas hier soir. Donc, pour plonger dans le passé de gehen, on part de sein et on trouve gegangen. Comment demanderiez-vous à quelqu'un « Quand êtes-vous allé là-bas » Wann? Wann sind Sie? Bien. Wann sind Sie? Wann sind Sie? Quand êtes-vous allé là-bas? Wann sind Sie dorthin gegangen? Bien. Wann sind Sie dorthin gegangen? Pourquoi n'êtes-vous pas allé là-bas avec moi hier soir? Warum sind Sie nicht? Warum sind Sie nicht? Mit mir gestern Abend dorthin gegangen? Bien. Warum sind Sie nicht mit mir gestern Abend dorthin gegangen? Alors, encore une fois, aller se dit gehen. Gehen, aller. Et partir, s'en aller, c'est weggehen. Weggehen. Ici, à l'oral, on insiste sur le préfixe weggehen, qui est donc suffisamment fort pour se séparer. Donc, si vous voulez dire je pars, ça donnera ich. Ich gehe weg. Ich gehe weg. Partir se traduit donc weggehen ou encore fortgehen. On a donc weggehen et fortgehen. Retourner en allemand se dit aller en arrière, c'est-à-dire zurück. Zurückgehen. Zurückgehen, tout à fait. Et donc nous retournons. Wir gehen zurück. Wir gehen zurück. Mm-hmm. Et si vous voulez dire nous sommes retournés, ça donnera... Attention, la particule zurück doit être accolée devant le participe passé, donc devant gegangen. Alors comment diriez-vous nous sommes retournés? Wir sind zurückgegangen. C'est ça. Wir sind zurückgegangen. Avec zurück accolé à gegangen. Il est parti, se dit er. Er ist gegangen weg. Reprenons. Weg. Weggegangen. Oui. Er ist weggegangen. Avec les préfixes séparables, vous plongez dans le passé en gardant toujours gegangen. Le préfixe vient devant gegangen. Weggegangen. Fortgegangen. Zurückgegangen. Et que signifie fort et zurück? Fort, c'est plus loin, et zurück, en arrière. Ah, d'accord. Pour plonger dans le passé du verbe de mouvement kommen, comme pour son équivalent français venir, on emploie le verbe être et non avoir. Comme par exemple quand on dit il est venu. Venu se dit gekommen. Gekommen. Et donc il est venu, ce sera er. Er ist gekommen. Gekommen. Er ist gekommen. Oui. Comment diriez-vous il est venu avec nous? Er ist avec nous. Mit uns mitgekommen. Bien. Er ist mit uns mitgekommen. Ici, mit est accolé à gekommen, comme zurück était accolé à gekommen pour dire revenu. D'ailleurs, comment diriez-vous il est revenu? Er ist zurückgekommen. Bien, Er ist zurückgekommen. Il n'est pas encore revenu? Er ist noch nicht. Noch nicht? Revenu? Zurückgekommen. Bien. Er ist noch nicht zurückgekommen. À quelle heure êtes-vous revenu? Um wie viel Uhr? Mhm. Êtes-vous revenu? Sind Sie zurückgekommen? Bien. Um wie viel Uhr sind Sie zurückgekommen? Sachant qu'arriver se dit ankommen, comment diriez-vous il arrivera ce soir? Er wird heute Abend ankommen. Bien. Er wird heute Abend ankommen. Oui. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi dire il arrive ce soir au présent. En allemand, cette forme sert aussi à exprimer un futur proche. Par exemple, vous pouvez dire il arrive la semaine prochaine. Comment diriez-vous il arrive la semaine prochaine? La semaine prochaine, c'est nächste Woche. Woche signifie semaine. Alors, comment diriez-vous il arrive la semaine prochaine? Er kommt nächste Woche. Nächste Woche an. Bien. Er kommt nächste Woche an. Comment diriez-vous il arrivera la semaine prochaine? Il va arriver la semaine prochaine. Er wird nächste Woche ankommen. Bien. Er wird nächste Woche ankommen. Il est arrivé ce matin. Mot à mot, aujourd'hui matin. Er ist heute Morgen angekommen. Bien. Er ist heute Morgen angekommen. Heute Morgen est tout à fait correct. Mais vous pouvez aussi dire er ist heute früh angekommen. Er ist heute früh angekommen. Früh veut dire tôt. Heute früh signifie donc aujourd'hui tôt, c'est-à-dire ce matin. Pour ce matin, vous pouvez également dire heute, avant midi, vormittag. Heute vormittag. Oui. Vormittag, c'est le matin, le moment de la journée avant midi. Ainsi, après-midi se dit Nachmittag. Nachmittag. Comment diriez-vous à quelle heure êtes-vous arrivé? Um wie viel Uhr sind Sie angekommen? Bien. Um wie viel Uhr sind Sie angekommen?